L'armoire amoureuse par Lucie de la rue Mardrus. Une vieille maison provinciale, debout au milieu de son jardin. Elle avait autrefois contenu beaucoup de monde. Elle avait débordé par toutes ses fenêtres de visages jeunes ou puérils. À présent, silencieuse, elle ne respirait que par la présence de trois habitants, un monsieur âgé, une dame âgée et une servante âgée. Et c'était une existence sans aucun intérêt. Car la vie des vieilles personnes des départements est presque toujours froide, menue et maniaque. C'est pourquoi cette maison possédait des coins que nul ne connaissait plus, des greniers dont la clé était perdue, des hangars abandonnés. Elle possédait entre autres une pièce au rez-de-chaussée, laquelle anciennement avait fait office de cabinet de débarras et qui aujourd'hui se dégradait lentement dans la moisissure, la poussière et l'obscurité. L'étoile des araignées avait fini par entièrement voiler sa fenêtre du crêpe funèbre de l'oubli, et les souris elles-mêmes n'y venaient pas, parce qu'elles n'y trouvaient plus rien à grignoter. Or, parmi les objets de rebut et toutes les choses informes qui s'entassaient dans cette pièce noire, se trouvait dans un angle, presque face à la fenêtre, une armoire, une bonne armoire de matière forte et de style sans charme, dont la glace verdie et tachetée branlait dans ses ornements Louis-Philippe. Un de ses pieds boitait très bas, et presque toutes ses fioritures étaient écornées. Cependant, peut-être eût-elle pu servir encore, car elle était d'un inusable bois. Mais oubliée dans ce taudis, désaffectée, elle se mourait là d'inutilité, car les objets sont un peu comme les bêtes familières qui périssent de chagrin quand elles n'ont plus de maître. Pourtant, son train endommagé se souvenait encore d'avoir réfléchi la vie de plusieurs familles avec tout ce que le quotidien y peut apporter de petits drames et de petites comédies. Seul témoin de choses à jamais mortes, cette armoire, dans le cœur profond de sa glace atteinte par l'abandon, sentait chaque jour s'effacer un peu des secrets multiples de son passé. Et rien de nouveau ne venait la revivifier, puisque, en guise de reflet, elle ne répétait plus, du matin au soir, comme une nuit monotone et noire, semblable au néant. Ainsi, les saisons autour d'elle passaient, et les années s'écoulaient sans forme et sans couleur. Cependant, chaque fois qu'Avril revenait, la triste armoire, du fond des ténèbres, sentait passer dans son corps ligneux des frissons incompréhensibles. Et dans le silence de sa prison, elle se mettait malgré elle à craquer. Par moments même, elle était prise d'un tressaillement si fort que c'était alors comme un grand coup sourd qui, secouant tout à coup son immobilité, la faisait presque trébucher sur son pied boiteux. Et chaque fois que ce phénomène se présentait, elle savait par là que, sur les choses et sur les êtres, dans les maisons et dans les jardins, partout excepté au fond des réduits moisis des vieilles demeures, c'était le printemps. Un jour d'avril, comme elle s'étirait ainsi, et remplissait l'ombre du bruit de son bois en travail, il survint un événement dans la chambre où rien ne s'était passé depuis 40 ans. La porte s'ouvrit et une jeune fille entra. Était-ce quelque nièce en vacances venue, par un hasard de la destinée, passer le temps pascal chez son vieil oncle et sa vieille tante? Avait-elle, en furetant de ci, de là, trouvé dans la sévère et poussiéreuse maison où elle s'ennuyait quelques clés au crochet, et la curiosité naturelle de la jeunesse l'avait-elle poussée à entrer dans cette chambre fermée? Elle n'était probablement pas jolie, et les lignes de son visage et de son corps faisaient sans doute prévoir qu'elle était marquée par le sceau familial, destiné à continuer des générations insignifiantes. Et son sang devait rouler préjugés, mensonges et bassesses, être chargé de toute la sottise et de tout le morne et inconscient crime des sociétés. Mais elle avait 15 ans, et avoir 15 ans malgré tout, c'est toujours posséder une beauté. Est-ce que sur la fraîcheur suprême de cet âge, où l'enfance et la jeunesse semblent, pour un seul instant, se réunir et s'embrasser, ne passe pas toujours un souffle furtif de poésie et de compréhension? C'est une inquiétude, une mélancolie, quelque chose d'inexplicable qui trouble même le petit cœur anodin des adolescentes banales. Ce sont des larmes sans raison quand la nuit tombe. C'est une curiosité irréfléchie qui, sans savoir pourquoi, ouvre en passant les vieilles portes fermées. Elle avait quitté quelque ouvrage de dame pour rôder seule à travers la maison. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Elle entra en hésitant dans la pièce obscure et regarda autour d'elle. Et voici que ses mains un peu rouges de fillette, d'un mouvement impulsif, presque involontaire, s'acharnaient à ouvrir la fenêtre rouillée et noire sur laquelle pendait l'étoile d'araignée. Elle donna un effort plus violent. Il y eut un tapage de vitres secouées, un cri des gonds ankylosés. Les deux battants étaient grands ouverts. Un flot de jour entra comme une inondation violente, et la première chose que vit la jeune fille, ce fut dans la glace détériorée de l'armoire, son reflet debout devant elle, pâle et comme très lointain, pareil au fantôme d'elle-même. Vite, elle prit son mouchoir et se mit à essuyer avec précaution la glace, car l'instant féminin la poussait à clarifier son image. Mais malgré ses soins dans le teint blessé, ravagé par le temps et l'humidité, il ne demeura d'elle qu'un mirage vague, sorte de pastel effacé où subsistaient des taches et des trous. Et pourtant ce fut avec complaisance qu'elle s'avança, en mettant la tête de côté, arrangea sa coiffure, se tourna et se retourna. Puis, s'étant reculée un peu et enfin immobilisée, tout à coup, elle sourit. Alors tout le printemps se répandit dans la pièce. Le dehors se mire, des branches se balancent dans la glace, des nuages y passent, les lointains y sont bleus et violets, le soupir du mois d'avril s'y exalte tout entier. Et la jeune fille comprend confusément quelque chose. Un frisson lyrique la parcourt, une émotion inconnue la gagne. L'avril et ses 15 ans se sont identifiés en un seul tressaillement. Debout dans la poussière, parmi les objets de rebut et les choses informes, devant l'armoire boiteuse et craquante, elle est, pour une minute de son existence, un poète. Elle lève les bras, secoue un visage exalté. « Bonjour printemps » s'écrie-t-elle malgré elle. Mais elle s'arrête vite en rougissant, parce qu'elle croit que la vie est dans les ouvrages de dames qu'elle vient de quitter, et non dans cet élan mystérieux qui lui semble tout à coup une stupidité. Et elle sort toute honteuse et tire la porte sur elle, même en oubliant de refermer la fenêtre. L'ombre, dérangée par le jour, est réfugiée dans des petits recoins. La glace de l'armoire continue de refléter le jardin, et c'est un paysage plus beau que nature, troublé, glauque, que le vieux cadre Louis-Philippe concentre dans ses fioritures écornées. Un oiseau entre dans la chambre et s'y trompe. En volant vers les arbres fictifs, les armoires qu'il n'a encore jamais vues, il se heurte à la glace et s'étonne. L'armoire craque. L'oiseau s'est posé sur elle tout en haut et le petit chant qui commence est plein de questions précipitées. Quel est donc ce jardin pareil au mien, quoique autrement orienté et si pâle? Je n'y puis entrer avec mes ailes, pourquoi? Et quel est ce craquement que j'entends, pareil à celui du gros chêne de la pelouse? Et le sursaut du bois en travail sont remplis de réponses sages et lentes. Maintenant, dit l'armoire oubliée, maintenant je me souviens. Ô oiseau, si tu t'es posé et si tu chantes sur moi, et si je craque sans savoir pourquoi lorsque l'avril revient, c'est qu'autrefois j'ai été un bel arbre au soleil et que je n'ai pu oublier, malgré ma métamorphose, que jadis la sève verte coulait dans mes veines végétales et que le cœur même de la terre battait dans mon aubier profond. Et l'oiseau chante, et le bois se rappelle, et la glace, comme une fontaine, répète le jardin lourd de lilas. Et déjà, un des rameaux réels du dehors dirige son effort vers la fenêtre, par laquelle, à la longue, il entrera dans la chambre pour y mêler ses ramifications véritables à celles fallacieuses de la glace. Alors, le craquement de l'armoire augmente, car sa très ancienne âme forestière s'essaie peut-être encore au geste de bourgeonner, dans l'élan d'amour universel que suscite à toute chose le triomphal renouveau. Et la jeune fille est partie en oubliant la fenêtre ouverte, partie pour vivre jusqu'au bout la vie banale, elle qui ne saura jamais comment, à cause d'un sourire de sa bouche de 15 ans et d'un instant poétique de son âme de 15 ans, elle a laissé derrière elle, dans la chambre, dont elle a pour jamais refermé la porte, tout un miracle de printemps. C'était l'armoire amoureuse de Lucie de la rue Mardrus.